Comme elle s'était arrivée devant un champ de pois, elle vit quatre jeunes filles, à peu près de même âge qu'elle, entrer dans ce champ sous la direction d'un paysan et en commencer la cueillette. Alors, ramassant toute son courage, elle franchit la fosse de la route et se dirigea vers les paysans. Mais celle-ci ne les laissa pas venir. « Qu'est-ce que tu veux ? » dit-elle. « Vous demandez si vous voulez, je vous aide. Je n'avons besoin de personne. Vous me donnerez ce que vous voudrez. Du côté de Paris. » Une des jeunes filles leva la tête et lui jetant un mauvais regard, elle cria. « Cette gabaldos qui vient de Paris pour prendre le courage du monde. On te dit qu'on a besoin de personne. » Continua la paysanne. Il n'avait qu'à repasser les fosses et à se remettre en marche. Ce qu'elle fit, le corps gros et les jambes cassées. Voilà les gendarmes, cria un autre. Sauve-toi! Elle retourna vivement la tête et toutes partirent d'un éclat de rire, s'amusant de leur plaisanterie. On alla pas loin et bientôt, elle dut s'arrêter, ne voyant plus son chemin tant ce jeu était plein de larmes. Que leur avait-elle fait pour qu'elle fût si dure? Décidément, pour les vagabonds, le travail est aussi difficile à trouver que les gros sous. La preuve était faite. Aussi, n'osa-t-elle pas le répéter et continua-t-elle son chemin, triste, n'ayant pas plus d'énergie dans le corps que dans les jambes. Le soleil de midi acheva de l'accabler. Maintenant, elle s'étreignait plutôt qu'elle ne marchait ne pressait un peu les pas dans les traversées des villages pour échapper aux regards qui, s'imaginait-elle, la poursuivaient. Elle ralentissait au contraire quand une voiture venait derrière elle allait la dépasser. À chaque instant, quand elle se voyait seule, elle s'arrêtait pour se reposer et respirer. Mais alors c'était sa tête qui se mettait en travail et les pensées qui la traversaient, de plus en plus inquiétant, ne faisaient qu'accroître sa prostration.